Salut, salutations. Je suis l'ambassadeur de Mars. Radio Campus Montpellier, l'expérience sonore. Nous venons en paix. Le temps. On aimerait toujours en avoir plus. Si seulement il existait un moyen d'échapper à ces contraintes et de voyager à notre guise dans le temps. Si seulement je pouvais remonter le temps. Les plus grands cerveaux du XXe siècle ont passé des dizaines d'années à tenter de faire de ce rêve une réalité, mais sans succès. Et est-ce qu'il y a une fête rétro sur la station ce week-end ? Le voyage dans le temps est-il possible ? Et si c'est le cas, comment y parvenir ? J'ai pensé que ça vous ferait rigoler. Soit, bien, raconte-moi ton histoire, bonhomme. Oubliez le présent. J'ai trouvé dans ce vieux grimoire le secret d'une machine à remonter le temps. J'ai construit cette machine et me voici. Changer le futur. Alors comme ça, tu viens du futur. Ah non, moi je viens du présent, c'est vous qui êtes dans le passé. Jusqu'à ce que certaines personnes prennent cette idée au sérieux. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Time Rider. Parce qu'on entend souvent dire que c'était mieux avant, on va prendre une heure pour faire un petit flashback, un petit voyage spatio-temporel pour se replonger dans une époque, dans des lieux, dans une ambiance. Chaque émission, son thème, et pour continuer l'histoire de la radio, après s'être intéressé au hip-hop, on va aujourd'hui parler des musiques électroniques, notamment la house et la techno. Fruit des toutes dernières avancées technologiques, elles ont toujours eu une place importante sur la bande FM, notamment dans les années 90. Dans cette émission, la ville de Détroit va être mise à l'honneur, mais on va également faire une petite escale en Angleterre. Time Rider. La ville de Détroit s'est déclarée en faillite le 18 juillet 2013. Même si elle en est sortie à peu près il y a à peu près un an, il faut s'intéresser à l'histoire de Détroit pour comprendre l'émergence de la musique techno. Entre 1900 et 1930, l'industrie automobile lui a donné son surnom The Motor City ou Motown et a été à l'origine de son développement considérable, sa population passant de 265 000 à plus de 1,5 million d'habitants. À partir de 1950, la population blanche a commencé à diminuer tandis que des noirs pauvres du sud y ont émigré. Le 23 juillet 1967, les émeutes les plus sanglantes et les plus destructrices de l'histoire des États-Unis éclatent et font 43 morts, 467 blessés et plus de 2000 bâtiments détruits. En 1973, le premier maire noir, Coleman Young, a été élu. Au début des années 80, les Afro-Américains ont constitué la majorité de la population. Un des premiers signes du déclin économique de la ville a lieu en 1958 avec la fermeture de l'usine automobile Packard. De nombreux centres commerciaux, bibliothèques, hôtels et banques du centre-ville sont désertés et laissés à l'abandon, laissant un paysage post-apocalyptique. Détroit s'illustre également par son taux de criminalité record, la classant comme la ville la plus dangereuse des États-Unis. C'est ce climat qui a contribué à l'explosion culturelle que l'on connaît. Les premières compositions de Cybotron en 1981 peuvent être considérées comme étant la véritable naissance du son techno. On s'en écoute un extrait. C'était Cybotron Clair, un petit extrait donc du début de la naissance du son techno. L'existence d'un réseau de radio très ouvert a créé un cadre favorable à l'essor de la techno à Détroit. The Electrifying Mojo, de son vrai nom Charles Johnson, est un DJ légendaire de Détroit qui a influencé entre autres les producteurs Juan Atkins, Derrick May et Kevin Saunderson, qui passent pour être les trois créateurs de la techno. Son émission de radio intitulée Midnight Funk Association durait 5 heures. Elle était diffusée sur différentes radios de Détroit, WJPR, WJLB et WHYT, entre 1977 et le milieu des années 80. On y entendait du hip-hop, beaucoup de funk, mais c'est lui qui a amené aux oreilles des futurs producteurs de techno les sonorités électroniques de Kraftwerk ou encore le psychédélisme de Tangerine Dream. On s'en écoute tout de suite un extrait qui date de 1982. We had a close call with that bridge. Traffic is moving underground and then it's coming up again. As if they're going under a tunnel of sort. Oh, I know it's wild. We're just talking to you. This is not freaking you out. Time Rider. What did you do today? Did you have a nice day? Did you make anybody mad? Anybody make you mad? How did you handle it? Were you cool? See, you have to always be cool because you've if you're not cool, the situation gets out of hand. How many people out there helped someone today? Did you give somebody a ride? Did you give them some good advice? Were you a good example? Did you call your mother? How nice. Did you call your father? Keep in touch, Mark. Oh, yeah, I hear you. And I believe you hear me. How do you feel right now? Well, let's take the time that we have left in this day and make the best of it. If you're interested. Life is life, you know? It's not always happy, it's not always sad. You're not always crying, you're not always laughing. You're not always praying, you're not always bumming. You're not always giving, you're not always receiving. Life is, it's life. You have to give some. You have to take some. You can't have it all. You never can have it all. Maybe for a short time you think you have it all. Then you wind up with much less. Life is give and take. Life is understanding. It's an ongoing communication process that must happen in order for people to get along. If you do not like confrontations, you have to have communication. You don't always like bumping into something. You have to find out where it is. You know, what's happening with it. You don't always like bumping into your dad or to your mom. You have to find out where she is, what's happening with her. You don't always like bumping into your wife. You have to find out where she is and what's happening to her. If you don't always like bumping into your husband, you have to find out where he is and what's happening with him. If you don't always like bumping into your girlfriend, you have to find out where she is. If you don't always like bumping into your boyfriend, you have to find out where he is. If you don't like bumping into your roommate, you have to find out what's happening with them, to find out what's happening, to find out where they are. You know, what level of communication you're on. And you have to communicate if you don't like bumping into things. Because when there's no communication, there's confrontation. I'm sure that Earth is aware of this already. But as we fly over you in the mothership, we're just releasing cosmic vibrations in the air. And if it feels good to you, try it on. But if you find it repugnant, just remember, you have found it. You found out where it is. So now you can make a decision based on where it is. We've communicated. I know who you are. Do you know who I am? When you find out, don't say damn. Say whoa. 'Cause you're a fan. That electrifying mojo. That electrifying mojo. That electrifying mojo. That electrifying mojo loves you so. Musically, he wants to take you wherever you want to go. I'll take you into the future, back into time. I'll take you to the year 2001. I'll take you back 6 or 8 thousand years ago, where they laid down the law in Mesopotamia. B52's on 107.5, it's like fine mojo Detroit. What's happening out there? Can you hear me? Are we communicating? Touch your telephone. Tell me what time it is. Are we in the same place? Boomba and Bozo, two high-flying motorcycle riders out listening to the electrifying mojo. Thank you. Voilà, on écoutait Midnight Funk Association, un extrait donc de l'émission de Monsieur Electrifying Mojo en 1982, un des pionniers qui a ramené l'influence de la techno dans la ville de Détroit. Directement en contact avec les pionniers, préciser une deuxième vague, les talons dont les plus marquants sont Jeff Miles et Mad Mike Banks, qui fondent le label Underground Resistance et livrent une techno rapidement très dure en même temps que plusieurs hymnes rave. Le style se différencie de la house originelle de Chicago par une plus grande dureté des sonorités, un abandon quasi total de la voix, des mélodies plus sombres, une structure musicale plus volontiers répétitive et l'omniprésence du pied, le kick, cette grosse caisse qui devient l'élément central des compositions. Jeff Miles, aussi appelé The Wizard ou le Sorcier, est un magicien des platines. Né le 18 juin 1963 à Detroit, il est un des pionniers de la musique techno et fait partie, aux côtés de Carl Craig, Mad Mike, James Pennington, Robert Hood ou Blake Baxter, de la seconde vague des artistes techno de Détroit. Ancien étudiant en architecture, passionné de cinéma, Jeff Miles rend sensible par sa musique son goût pour les structures sonores élaborées, ainsi que son attrait pour une musique sinon discursive, du moins fortement imaginaire. On s'écoute tout de suite un extrait d'un mix de Jeff Miles en 1987 sur la radio WGLB. It's been a long time, I shouldn't have left you without a strong rhyme to step to. Think of how many weeks shows you slept through. Time's up, I'm sorry I kept you. Thinking of this, you keep repeating your miss. The rhyme from the microphone solo with. So you sit by the radio and on the dial soon. As you hear it, pump up the volume. Dance with the speaker till you hear it blow. Then plug in a headphone, cause here it go. It's a four-letter word when it's heard to control your body to dance. So, dot text the tempo like a red alert. Reaches a reflex and let it work. When this is playing, you can't get stuck with the steps. So to say, and I'ma still come up with a gift to be swift. Follow the leader, the rhyme will go deaf with the record that was mixed a long time ago. It could be done, but only I could do it. For those that can dance and clap your hands to it. I start to think, and then I sink into the paper like I was ink. When I'm writing, I'm trapped in between the line. I escape when I finish the rhyme. I got soul. He said he wants some crack. You get your head. What little sister said? What? is the word. I looked and shook my head and said, you mess with Jack, you better be while I'm dead. Cause if I ever catch you, I'll put you in your head. All the friends doing, I saw your friends are bunk. I kicked the plane of triples, the coke was more commercial. Yes, did you not? Believe me, sweetheart. Well, look, don't you ever try it. Cause in a victory, cause all I hear is and crack is all they do. I hate to be the one to say to someone that I do. Well, I got a homie, he does it all night. I tell him, get the show, please, let's have a set fight. What time it is? And it keeps your heart pumping. Take it from blow and then turn thanks to something. It's a type of drug that I have you hooked. And the side effects of crack are always overlooked. I wanna try it, so come on, Negro, stop. Cause you could bite. Where at? Right around our block. That's okay. Yeah, but why did you say? Man, I went smoke crack jack anyway. Well, okay, well let me tell you what happened the other day. Me and my homie were walking down the walkway. So we fly cheese. She was counting some money. I never seen her before, but I knew something was funny. So me and my homie, we stopped and started talking. It was the same old crackheads out hawking. Then I said to my homie, yo, she could get got until I saw her dip up inside the crack spot. Man, I was shocked. My mind had been rocked. All types of crazy zombies were around the block. With the face, check out my melody and add a cigar. I'm letting knowledge be born and my name's the R. A.K.I.M. not like the rest of them. I'm not on the list. Catch what I'm saying. I drop lines like a scientist. My melodies in the code. The very next episode has the mic off and distorting, ready to explode. I keep the mic at Fahrenheit. Freedom seeds to make them cola. The listener's system is kicking like solar. As I memorize, advertise like a poet. Keep you going when the flow is smooth enough. You know it, but rough. Just by the mural on my story, I tell a B. Nobody beats the R. Check out my melody. Why is it got to be so damn tough? So damn tough. So damn tough. So damn damn. So damn. Sure, we're breaking the charts in this world of music. It's called hip-hop, rock the move. For my own protection, I always been a kid with a big and a rhyme and beast that sounds so sweet. Dub, J, and Zil, compete. For it to be the best, won't settle for less. We'll wreck the great and win contest. I recommend you just do retire with the crew. This record won't just hit. As we bring forth a new sound dimension. So damn tough. So damn tough. Every time I'm on the mic, I like to get loose. Cause all of my songs are well produced. Just listen in the vibe, about the kick I was cool. With my rhyme, through the world, tell you. I'm never underrated, like before I've stated. When it comes to making hits, I'm nominated. The bottle condensed as a snare. Connect with the cuts from the tables to keep you in check. What time is it? Some DJs are even. But here's a little something about my DJ. The magnificent Jazzy Jeff. So bust his beat. I'm so damn tough. It got the beat, so damn tough. On était en 1987 sur la radio WJLB, donc à Detroit, et c'était Jeff Miles au platine. Jeff Miles, un des pionniers de la seconde vague de producteurs techno. Et on continue ce Time Riders spécial voyage dans le temps sur la bande FM, dans le monde de la musique électronique. On va faire maintenant un bond dans le temps de 10 ans. On se téléporte en 1997. Essential Mix est une émission de radio hebdomadaire de BBC Radio 1 diffusant tous les styles de musique électronique. Eddie Gordon, producteur de l'émission entre 1993, sa naissance, et 2001, est à l'origine de l'idée. L'animateur Pete Tong est le même depuis le début et fut d'ailleurs le premier artiste à jouer pour l'émission le 30 octobre 1993. Elle est diffusée chaque semaine dans la nuit du vendredi au samedi de 1h à 3h du matin. Le 2 mars 1997, Pete Tong invitait les Daft Punk pour leur tout premier BBC Essential Mix. Pour le duo français, le succès traversait déjà la Manche. Ils venaient alors de sortir leur premier album 2 mois plus tôt, Homework, un LP qui donnera un nouveau souffle à la scène house music internationale. D'ici la fin de l'année 97, ils seront d'ailleurs des stars mondiales. La série Essential Mix de la BBC, présentée par Pete Tong, est une étape importante dans la carrière d'un artiste, venant couronner plusieurs années de labeur, et ce mix des Daft Punk ne fait pas exception à la règle. Il n'a d'ailleurs pas pris une ride. On s'en écoute tout de suite un extrait, les Daft Punk dans l'émission de la BBC. C'est parti. Hello, this is Daft Punk speaking. WDPK 82.7, the sound of tomorrow, the music of today, brings you exclusively the Essential Mix. This is the Essential Mix on Radio 1, a program designed to keep the party rocking until the twilight hours. At no personal expense to you, well, maybe about a 20th of a half a p if you pay your license fee, we present the world's greatest DJs to play a superior selection of tunes in your very own front room, or wherever we happen to find you at 2 in the morning. Maybe someone else's front room, eh? Anyway, this week is no exception, as we are pleased to introduce two French blokes, Thomas and Guy Manuel. If you hadn't noticed, they are already the hottest thing since sliced bread. Well, sliced pan, I suppose. This week's Essential Mix is by Daft Punk.

Et oui, on écoutait l'essentiel mix des Daft Punk en était donc en Angleterre sur BBC Radio 1 en 1997. Et malheureusement, on arrive au bout de cette émission. J'espère que vous avez apprécié ce petit voyage sur la bande FM de 1982 à 1997, de Londres à Détroit. Il y en aura d'autres, car croyez-moi, il y a tellement à dire sur la naissance et l'évolution des musiques électroniques. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines sur Radio Campus Montpellier. Et surtout, restez sur le 102.2 FM, c'était Time Riders.